pas être un copain quand tu le crois. Je ne veux pas être un simple ami pour toi. Oui, je ne veux pas. Baby, tu m'as dit que notre amitié est pour toi la plus sacrée. Je ne veux pas. Non, je ne veux pas. Je ne veux pas.